Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous, bienvenue à ce journal dont voici les grands titres. Sécurité, on vous parlera de quatre personnes tuées à des endroits différents et dans des circonstances différentes. Et Mgr Antoine Madaraga de la Commission Vérité et Réconciliation a déclaré ce vendredi à Rumonge que la solution au problème burundais viendra de cette commission. Notre correspondant nous en donnera les détails. Et le représentant du Burundi aux Nations Unies a démenti dans un discours que le président Nkurunziza n'a jamais évoqué l'éventualité d'un autre mandat à la tête du pays. Nous reviendrons sur la déclaration du numéro 1 burundais lors de la conférence publique du 30 décembre dernier à Rutana. Et la revue de presse après le développement de toutes ces nouvelles. Et d'autres, voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je venais de vous le dire, au chapitre sécurité, un homme est mort après avoir été tabassé dans la nuit de ce vendredi à samedi au rond-point reliant Gitega, Karuzi et Ngozi. C'est dans la commune et province de Gitega, selon les témoignages recueillis sur place. Il était vers 22h quand deux hommes inconnus à bord d'un véhicule sont venus trouver ce gardien d'une boutique à son lieu de travail et ont commencé à le tabasser avec les dents voisins à lui jusqu'à ce que mort s'en suive. Nos sources précisent que le corps du défunt a été conduit à la morgue par la police et que l'homme qui a aidé les autres à abattre à mort ce vieillard a été conduit au cachot ainsi qu'une autre sentinelle pour enquête. Et deux corps sans vie ont été retrouvés hier à Mutara, en commune Kirundo, et ont été enterrés ce samedi matin avant même leur identification parce qu'ils commençaient à se décomposer. L'administrateur de la commune Kirundo n'a pas pu nous en dire plus puisqu'il était en réunion. Et un homme d'une cinquantaine d'années de la colline Rushima, commune Mugina de la province Cibitoke, a été tué chez lui à coups de machette par des hommes non encore connus. C'était dans la nuit de ce vendredi. L'administration et la police dans cette province indiquent que cet homme a été tué parce qu'il était accusé de sorcellerie et que les meurtriers n'ont pas pu être identifiés. Je venais de vous le dire également, le président de la République n'a jamais évoqué son intention de se représenter pour un quatrième mandat. Ce démenti a été apporté le 26 février dernier par le représentant du Burundi aux Nations Unies, par Albert Shingiro, en réaction au rapport présenté au Conseil de sécurité trois jours avant sur le Burundi par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Nous avons eu copie du discours du diplomate burundais et en voici un compte-rendu de lecture avec Alida Ndaikeza. Dans son discours prononcé devant le Conseil de sécurité, l'ambassadeur burundais indique que le pays n'est pas d'accord avec le contenu du rapport produit sur le Burundi et dément les propos tenus faisant objet d'un probable quatrième mandat du président burundais. Pour lui, Pierre Nkurunziza est dans son deuxième mandat, conformément à l'arrêt de la Cour constitutionnelle de la République du Burundi, rendu le 4 mai 2015, et le jugement rendu par la Cour de la communauté est-africaine. Albert Shingiro est revenu sur le mot « milice », ce délégué du gouvernement. Le gouvernement explique que ce mot a été mal utilisé lors de la confection de ce rapport pour qualifier la Ligue des jeunes du parti au pouvoir. Pour lui, le choix de ce mot est inapproprié car il sort du cadre du langage déjà agréé au Conseil de sécurité. Toujours dans son discours, Shingiro s'est exprimé également sur les disparitions forcées au Burundi. Pour lui encore, les jeunes remis par la RDC au Burundi voulaient rejoindre la rébellion et parmi eux, ajoute-t-il, certains figureraient sur des listes des disparus. Ce qui témoigne, d'après toujours Albert Shingiro, de l'imprudence commise par les enquêteurs onusiens. Cet ambassadeur note également des améliorations au pays. Albert Shingiro mentionne l'avancée des pourparlers d'Arusha, la sécurité qui est garantie sur tout le territoire, ainsi que des évolutions en matière carcérale, où 2500 prisonniers ont bénéficié de la grâce présidentielle à la fin de l'année 2016. Enfin, Albert Shingiro explique que le Burundi est en train de renouer ses relations avec les Nations Unies, où les discussions sont en cours entre les deux parties pour lever le climat malsain. Merci Alida, mais pour ta science, Womana, opposant politique, la situation sécuritaire, politique, des droits de l'homme et même économique restait préoccupante malgré certains signes comme l'absence de crépitement d'armes qui font dire à certains que tout va bien au pays. Pour lui, il est du devoir des Nations Unies de faire chaque fois une évaluation de la situation comme elle le fait pour les autres contrées du monde pour voir comment aider à retrouver la paix et la stabilité. Pour Tassien Sibomana, si c'est la question de mandat présidentiel qui est à l'origine de la question au Burundi, la communauté internationale a de quoi s'inquiéter quand on sait qu'il y a des textes nationaux qui régissent l'alternance au pouvoir. Suivez Tassien Sibomana. Le Conseil de sécurité a l'obligation de veiller au respect de la paix et de la sécurité dans le monde. C'est d'ailleurs la raison d'être des Nations Unies. Pour se focaliser sur le cas du Burundi, il y a de quoi. Vous savez très bien que ça fait 2 ans bientôt que le Burundi vit dans une situation d'insécurité, de violation massive des droits de l'homme, où des milliers de personnes gisent en prison comme des prisonniers politiques ou arrêtés injustement. Des gens ont été portés disparus, d'autres ont été tués. Et donc vous comprenez qu'il y a de quoi le Conseil de sécurité a besoin de se pencher sur la situation. Pour que justement le Conseil puisse évaluer la situation qui prévaut au Burundi. Faire une évaluation, Tassimé, est-ce qu'on peut noter une évaluation au niveau sécuritaire, au niveau politique? Oui, d'aucuns peuvent croire que parce qu'il n'y a pas trop de crépitement d'armes, les gens ne meurent pas, les gens ne sont pas emprisonnés. Justement, les gens ne fuient plus au pays. Mais ce qui est évident, et c'est vous-même d'ailleurs qui nous fournissez le plus gros des informations, il n'y a pas une journée où on n'enregistre pas des cadavres qui gisent ici et là. Deux, il n'y a pas de journée où on n'enregistre pas des dizaines de personnes qui sont emprisonnées. Je parle en connaissance de cause parce qu'il y a des militants de la coalition Amizero qui sont régulièrement arrêtés, cela injustement. Toutes les indications concourent à faire accréditer la thèse que la situation n'a pas nécessairement évolué positivement comme on l'aurait souhaité. Ce conseil de sécurité semble être inquiété par un probable quatrième mandat du président. Pourquoi ce conseil penche surtout sur le Burundi? Il ne faut pas se référer aux autres pays où la loi n'interdit pas au président de briguer plusieurs mandats, mais ici chez nous, on a des textes pour ça. Vous savez que le Burundi vit dans une crise inhérente justement au troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Donc, que la communauté internationale veuille à ce que les dispositions de l'accord d'Arusha qui avait redonné l'espoir aux Burundais puissent être respectées, il y a de quoi. Parce que les conséquences que nous vivons, qui sont nées de la violation de l'accord d'Arusha, ont poussé la communauté internationale à se mobiliser pour aider les Burundais à sortir de l'imbroglio dans lequel le troisième mandat nous a plongés. Tassien Siomana au téléphone avec Placide Niyongongere en ce qui concerne le quatrième mandat évoqué dans le rapport des Nations Unies. Cette question a été posée au chef de l'État Pierre Nkurunziza au cours d'une conférence publique le 30 décembre 2016 à Rutana. Il a répondu que se faire réélire pour le quatrième mandat dépendra de la demande du peuple. Suivez le président de la République traduit par Évariste Nzikobanyang. Vous avez souligné qu'on s'est prononcé, c'est vrai. Mais ce que nous avons dit, nous nous sommes conformés aux décisions de la Cour constitutionnelle. Les cours et tribunaux ne sont pas au-dessus de la population, ainsi que la Constitution. Même le chef de l'État n'est pas au-dessus de la Constitution. À tout moment que la population prendra la décision d'amender la Constitution, disant que quelqu'un a le droit de se faire élire sans violer la loi, alors que la population le lui demande, nous ne pouvons pas décevoir et le pays et la population. Mais la décision qu'on a prise correspondait au moment d'alors. Ce ne sont pas les mandats du chef de l'État seulement qui sont prioritaires lorsqu'il s'agit d'amender la Constitution. Je croyais que vous alliez être préoccupé par les questions de l'économie, le social et l'intégration du Burundi dans la communauté est-africaine. Pourquoi les gens sont toujours préoccupés par les mandats? Les mandats, on ne les mange pas. Ailleurs, dans d'autres pays, il n'y a pas de mandat. Au Rwanda, on change les mandats comme l'on veut. Les Burundais n'ont pas le problème de mandat, pas du tout. Aujourd'hui, les Burundais peuvent changer la constitution qui commence avec les nouveaux dirigeants. Je ne suis pas là pour être le chef de l'État éternel non plus. Le président de la République, le 30 décembre 2016, à Rutana, et Mgr Antoine Madaraga, commissaire à la Commission Vérité et Réconciliation, de déclarer que la solution au conflit entre Burundais viendra de cette commission. Il l'a dit ce vendredi lors du lancement des activités de cette commission dans la province de Rumonge. Les détails avec notre correspondant Jean-Pierre Misako. Selon Mgr Antoine Pierre Madaraga, commissaire à la Commission Vérité et Réconciliation, CVR, Cette commission est en train de contribuer pour que les protagonistes dans le conflit burundais sachent d'abord la vérité. Ce religieux déclare que quand la vérité sera connue à tout le monde et lue et interprétée de la même façon, la solution au conflit burundais sera trouvée. Quand il y aura cette vérité factuelle, elle met fin aux spéculations et va montrer dans quelle orientation le pays devrait aller. Ça sera une nouvelle ère pour le pays et je pense que si nous travaillons dans ce sens pour la réconciliation effective du pays, je pense que ça va nous servir énormément. Monseigneur Madaraga l'a déclaré aux administratifs, aux représentants des partis politiques, aux représentants des confessions religieuses et aux membres de la société civile de la province Bururi pour les aider dans le choix des collaborateurs consensuels de cette commission depuis la colline qui aideront à collecter les dépositions. Jean-Pierre Misago depuis Bururi, Radio Isanganiro. Isanganiro. 59 femmes enceintes qui ont accepté le dépistage l'année passée portent le virus du sida et plus de 300 personnes souffraient de la tuberculose. Cela a été dit ce vendredi à Bouvanza lors du lancement officiel des activités de l'ONG locale COPED qui va aider dans la sensibilisation contre ces maladies. Les groupes cibles sont les gens qui vivent en communauté comme dans les prisons, les écoles, les villages ou les sites de déplacés et autres. Spes Caritas Cavagnana. Comme le chef de district sanitaire de Mouvanza a déclaré ce vendredi lors du lancement officiel des activités du COPED, Conseil pour l'éducation et le développement, 352 personnes souffraient de la tuberculose l'année passée, selon les chiffres collectés sur les centres de santé et les hôpitaux de cette province de Mouvanza, et 59 femmes enceintes portaient le virus du sida. L'organisation non gouvernementale COPED va ainsi commencer les activités de formation, d'information et de sensibilisation pour lutter contre le sida et la tuberculose qui sévissent surtout dans les milieux d'attroupement, comme l'a dit l'abbé Laurent Nindereye, directeur technique du COPED, ce vendredi au moment du lancement officiel de ces activités. Nous sommes invités à toucher les cibles qui ont été identifiées comme menacées par la tuberculose et le VIH, la co-infection tuberculose-VIH. Nous serons amenés à former principalement les formateurs, et ces formateurs iront rencontrer les groupes cibles qui sont essentiellement les élèves vivant dans des écoles à régime d'internat, les réfugiés, les rapatriés, les membres de la communauté Batwa, les gens qui vivent dans des centres de personnes handicapées. On sera aussi amené à renforcer les capacités des agents de santé communautaires. Au moment où les agents de santé appellent la population à lutter contre le sida et d'autres maladies en utilisant différents moyens comme les préservatifs, l'abbé Laurent Nindereye appelle plutôt la population à plus de retenue et à la conscience. Nous avons un langage qui est pratiqué par les médecins qui disent qu'utiliser les préservatifs, etc. Mais nous, ici, dans ce programme, ce qui vient en avant, ce n'est pas nécessairement ces préservatifs, mais c'est beaucoup plus la formation et la sensibilisation pour que chacun soit conscient que le VIH-Sida est un danger commun. La population de cette province de Mouvanza apprécie ces activités du Conseil pour l'éducation et le développement COPED qui va alors sensibiliser et informer les gens qui font encore la polygamie, le concubinage et d'autres comportements qui ne font que répandre le virus du sida. Caritas Kabanyana, Rwanda, Radio Isanganiro. Merci Spes. On reste dans cette région pour dire que des chiens errants menacent les bêtes sur la colline Kanenga de la commune Manda en province de Bouvanza. En une semaine seulement, 3 chèvres ont été mordues, comme le précise l'administrateur qui appelle la population à les tuer. Les habitants de cette commune de Manda demandent aux autorités de disponibiliser le vaccin antirabique afin de protéger les chiens domestiques. Il est 13h10 à Bujumbura. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Jean Dodieu pour la mise en onde de micro, Jean Bosco, Nduimana. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée à l'écoute de nos programmes. Le prochain rendez-vous avec la rédaction, ce sera à 18h. Tout de suite, vous suivez la revue de presse. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous situez. Le journal Iwachu parlait d'une diversion nommée Ben Omar. Il écrit dans un éditorial que les envoyés du secrétaire général de l'ONU au Burundi n'ont jamais eu la tâche facile aujourd'hui comme hier. Monsieur Jamal Ben Omar ne fait pas exception selon Iwachu. Diversion, bouc émissaire, désorientation, jugement de cour, etc. Son action est différemment appréciée. Mais ce qui est sûr, selon encore l'hebdomadaire, c'est que ce diplomate semble être pour le moment au centre de la brouille diplomatique entre l'ONU et le Burundi. Le secrétaire général de l'ONU a adressé récemment au Conseil de sécurité un rapport où il tire la sonnette d'alarme sur le Burundi. Le porte-parole du gouvernement a aussitôt précisé que l'auteur du rapport est bel et bien Jamal Ben Omar, qui est déjà récusé par Bujumbura, renchérit encore Iwachu. Le journal qui poursuit sa tradition de classement hebdomadaire des personnes qui se sont démarquées dans le bien ou dans le mal. En hausse se trouve 21 judokas burundais pour avoir emporté le 11e championnat de la communauté est-africaine qui s'est déroulé du 4 au 5 mars au Zanzibar. Et en baisse, il y a l'hôpital de Kibimba pour avoir emprisonné un nouveau-né depuis plus de 3 semaines et pour motif, la famille de sa mère décédée n'a pas pu payer les frais de soins. Le LUCOM s'insurge contre le gaspillage des devises déjà rares. À en croire l'agence Net Presse, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques trouve que les devises destinées à l'achat des produits sensibles comme les médicaments, le carburant, les produits alimentaires ne devraient pas tomber dans les mains de ceux qu'ils qualifient de privilégiés de la République pour alimenter le marché noir au Burundi. L'Observatoire parlait de 15 millions de dollars américains qui ont été distribués d'une manière disproportionnée. La Banque centrale aurait recommandé que 12 millions de dollars soient octroyés à une seule personne dont l'Observatoire ne veut pas dévoiler l'identité, 800 000 dollars à un politicien opérateur économique qui a occupé plusieurs fonctions alors qu'il n'importait pas le carburant, 1 200 000 aux autres importateurs et environ 1 million de dollars qui n'auraient pas été distribués aux pétroliers. Revue de la presse. Les femmes enseignantes réclament plus de postes et de responsabilités. Bien qu'à la tête du ministère de l'Éducation nationale se trouve une femme, écrit le journal La Voix de l'enseignant, les enseignantes, elles, ne sont pas satisfaites de leur représentation dans les instances de prise de décision. À part au niveau des écoles primaires, le nombre de femmes qui gèrent les différents secteurs de l'éducation est très réduit, mais le gros du personnel qu'ils gèrent est majoritairement féminin. Les enseignants demandent que les nominations aux postes de responsabilité tiennent compte de l'équilibre genre car elles ont les mêmes compétences que les hommes. Et le journal d'ajouter que les hommes ne sont pas contre la promotion des femmes. Ils trouvent que c'est une question de justice sociale, le fait de nommer les femmes dans des postes de responsabilité qui correspondent à leurs compétences. Et les enseignantes ont célébré la journée de la femme de leur manière. Selon encore la voix de l'enseignant, toutes les femmes burundaises n'ont pas bénéficié d'une attention particulière de leurs employeurs. Les enseignantes, comme de coutume, n'ont pas reçu les pagnes distribuées gratuitement aux consoeurs œuvrant dans d'autres secteurs. Elles n'en sont pas étonnées et s'en résignent car elles sont coutumières de ce genre d'oubli manifeste. La communauté des blogueurs Yaga, elle, se demande si la femme burundaise et la culture sont inconciliables. Certaines citations et proverbes burundais font tout pour déchoir la femme de sa place. Umugore n'umwana pour dire l'intelligence de la femme est comparable à celle de l'enfant. Umukobwa nakarago kabaraye pour signifier la fille est au service des passants, pour ne citer que cela. L'importance de la femme a été minimisée, réduite à rien, selon du moins Inès, la blogueuse de Yaga, qui estime qu'il faut changer. Les temps ont changé, les mentalités n'ont pas suivi. La femme burundaise s'est faite une place dans la société. Elle a abattu des barrières. Elle fait mieux que l'homme des fois et ce dernier doit reconnaître son importance, sa valeur et la contribution qu'elle apporte. De la mère qui porte la houe sur l'épaule, l'enfant sur le dos, à celle assise dans un bureau climatisé, elles ont une valeur inestimable, du moins pour certaines. Pourtant, elles sont nos mères, nos sœurs, nos épouses. Elles peuvent aussi bien être chefs de ménage, femmes d'affaires, juges, enseignantes, docteurs, présidentes des nations, businesswomen, etc. Elles inspirent, éduquent, et sont le berceau de nos foyers. Pourquoi ne pas leur attribuer la place qu'elles méritent, se demande le billet de blog. Ainsi s'achève cette revue hebdomadaire de la presse. Au micro, vous étiez avec Léonce Vitalio. Excellent week-end chez vous. À la prochaine.